Je sais pas où t'es parti, si c'est si loin d'ici, mais comme c'est loin de moi. Je sais pas où t'es parti, où tout ça c'est fini, mais si c'est bien mieux comme ça. Mais c'est quoi ton avis? Je sais pas ce que ça dit, je sais pas ce que ça te fait. Appelle-moi vendredi, mais avec tes habits, je refais des progrès. J'aurais fait des progrès, mais toi, je sais pas ce que t'as fait. C'était quoi? Avec toi, c'est paquet. J'aurais fait des progrès, mais toi, je sais pas ce qui t'a pris. C'était qui? Avec toi, c'est ami. Une année aujourd'hui. Par ici, par ici comme t'y es, par ici comme t'es là. J'aurais fait des progrès, mais toi, je sais pas ce que t'as fait. C'était quoi? Avec toi, c'est paquet. J'aurais fait des progrès, mais toi, je sais pas ce qui t'a pris. C'était qui? Avec toi, cet ami. J'aurais fait des progrès, j'aurais fait des progrès. Mais toi, je sais pas ce que t'as fait. Toi, c'était quoi? Avec toi, c'est paquet. J'aurais fait des progrès, j'aurais fait des progrès. Mais toi, je sais pas ce qui t'a pris. Toi, je sais pas ce qui t'a pris. C'était qui? Avec toi, cet ami. Je sais pas où t'es parti, où tout ça nous mènera. Je ne t'ai pas suivi, pour une fois. Je ne sais pas où t'es parti, merci. Mathieu, merci. Je ne sais pas où t'es parti, je ne sais pas avec qui. Je ne sais pas où t'es parti, parti, oui, dans les oui. Je ne sais pas où t'es parti. Je ne sais pas si oui, je ne sais pas si c'est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je ne sais plus où je suis. Je ne sais pas si tu t'ennuies de moi. J'ai pas le sifflet. Je devrais prendre des cours de d'oiseaux. Commencer par s'envoler. Le plus difficile, c'est ça. Si tu réussis, tu peux progresser. Et à la fin, pour avoir ton certif d'oiseau, ben, tu siffles. Il me semble que tu devrais commencer par le simple, le plus simple pour arriver vers le plus complexe. Oui. C'est-à-dire siffler vers la fin? Allô, ça va? Ça va très bien, toi. Les micros sont ouverts? Les micros sont... Rita? Rita? Qu'est-ce qu'a fait ta Rita? Rita est partie. Elle est partie où? Ben, chercher le disque de Mathieu Beaugarde. Ben, ça vient le jouer, Mathieu Beaugarde. C'était l'intro, Mathieu Beaugarde, micro. Ah, il est parti chercher le micro. Ben non, le micro est là. Oh, Mathieu Beaugarde. Ben, il est pas là, c'est un disque. Voyons, non, on l'avait appelé. Ben, Gaétan. Oui. Gaétan. Oui. Crois-tu qu'on va payer un artiste français pour venir faire une chanson de 3 minutes 2 à Hérence Rinaldi? Ben oui. Ben, écoute... Je sais que nous faisons tout pour plaire à notre public. Oui. Nous tentons de les divertir. Oui. Nous voulons leur faire oublier leurs tracas familiaux. Oui. L'école. Oui. La dure réalité qui attaque leur quotidien. Oui. Mais là, se faire attaquer, on se fait, on ne passera pas. faudrait qu'il fasse un spectacle de 2 heures, puis il n'y a pas de musiciens. Faire venir des musiciens. On ne prendra pas des musiciens de Québec. Ils vont être obligés de... C'est pas parce qu'ils sont pas bons, ils sont extraordinaires, majestueux et remplis de talent. Ça demande de la pratique, là. Tu ne ferais pas venir un chanteur français, puis en 15 minutes, pratiquer avec les musiciens, puis 1, 2, 3, on y va, l'émission, radio, micro, puis wow, c'est une infrastructure, cela, là. Qu'est-ce que tu connais là-dedans? Ben, je me suis impliqué de très loin au Radioton de CKRL. Ben non, tu prenais des photos. Ben oui, c'est ça, de très loin. Les artistes ne se sentaient pas pris dans l'objectif. Ben là, il me semblait que c'était juste en Afrique qu'on avait peur de se faire prendre en photo parce que l'arme allait s'enfermer à l'intérieur de la boutique. Non, c'est pas une boutique. C'est quoi? C'est un jardin? Non, c'est... comment t'appelles ça? Une boutique. Une boutique noire. Non, c'est un sarcophage. Non, plus, c'est une boîte noire, la boîte noire. En tout cas, ce qui j'ai une formation en photo. Excusez-moi, madame Naguerotype. Je ne suis qu'un pauvre irrespectueux des arts et surtout de l'art qui vous anime. Ça fait... Ouais, j'étais très loin, moi. Parce que si je me rapprochais, les gens criaient. Ils étaient estomaqués de voir un visage aussi saugrenu prendre des photos d'une beauté extraordinaire. Bon, et puis, ben, j'ai fait des radiotons, des radiotons. Donc, je connais ça, moi, comment ça fonctionne, là. Les rouages internes. Bon, OK. Hey, en parlant de rouages internes, ouais. Ça n'a pas vraiment de lien, là, mais je voulais juste redire rouage interne. Mais vas-y donc une autre fois. Rouage interne. Continue. Rouage interne. J'ai pas mon magnétophone qui me fait reprendre des mots. Là. Je sais pas qui a placé ça n'importe où là, après la dernière émission. C'est peut-être dans les fentes. En tout cas, vous comprenez pas ce que je veux dire. C'est normal. Je demande à mon équipe de vérifier où est mon magnéto. L'équipe, là. Allez, courez. Comme des... Il fait chaud ici. Ça n'a pas de bon sens. C'est un sauna. Sauna? Non, c'est Sonia. Sonia, c'est vrai. C'est pas ça. Ça fait 2 ans que j'appelle Sonia, puis elle répond pas. Ben là, si tu te trompes toujours, là, ben non, mais c'est la seule, hein? Elle est toujours en sueur. Fait que Sonia, ah bon. Alors, The Almost Man est un film qui vient de sortir il y a de cela quelques mois, 3 mois et demi, 4 mois. Et ça relate l'histoire d'un trentenaire qui n'ose pas entrer dans la vie adulte. Et là, ça me chicote un peu. Ça me fait monter l'adrénaline, la soupe au lait. Et même, ça la fait bouillir. Et je sens la croûte monter pour durcir. Parce qu'elle sent, oui. Ensuite, elle va s'endurcir si j'oublie de l'enlever sur le rond. Le rond. Ben, le réchaud. Le réchaud. Ben, la plaque chauffante. OK. Fâche-toi pas, mon Raoul, oui, monsieur. Et là, ce qui me dérange là-dedans, et je vais vous le dire, monsieur le psychopathe? Non, c'est un psychologue. Non, c'est un psychopathe, un psychologue? Ben, c'est quelqu'un qui va t'écouter. Enfin, l'intervenant social. C'est pas un intervenant social, c'est quelqu'un. Ben, c'est qui? Une oreille attentive. Bon, l'oreille attentive. Mais là... excuse, là, on va peut-être arrêter ici quelques secondes là, pour vérifier là, si c'est une oreille attentive qui a une formation collégiale, oui. Universitaire, oui. Secondaire, et si c'est à l'université, est-ce que c'est bactériologique? Non, non, c'est un bac. Baccalauréat? Une maîtrise? Un certificat? Oh là là là là! Ou un doctorat? Encore plus sérieux, un doctorat, là. Si je peux parler à quelqu'un. Non, non, c'est une oreille qui écoute. Bien, j'espère, là. Manquerait bien que l'oreille n'écoute pas. Non, non, elle est bien tirée. Oh, c'est vrai. Est-ce que je peux regarder à l'intérieur? Nous voyons ici le tympan. Le tympan se défend très bien. Il y a à peine une fine couche de cire appelée dans le milieu. C'est pas dans le milieu, c'est dans le centre. Hey, c'est vrai, m'entendez-vous, vous? C'est dans le centre. Mais attendez, montez le son. M'entendez-vous? Eh, monsieur. Ça vient de briser le tympan, madame. Oh. Hey, ça me fait plaisir parce que le machinot en avant, là, celui qui fait la prise de son, il est tout. Il est sur le nerf, là. Il pleure depuis tantôt. Là. Ça va bien se passer. Et là, ce qui me dérange là-dedans, mon oreille attentive, là, puis reste attentive, ça me dérange de ne pas avoir le magnéto parce que ça me ramène la même phrase. Là, puis je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est passé où, ça? Dans les poubelles? On va être obligé de s'en acheter un autre, là. En tout cas, on va arrêter de pleurer sur notre sort. Alors là, on n'ose pas entrer. Mais on n'ose, c'est pas moi, personnellement, c'est le personnage. Quoique, j'essaie de à travers ce protagoniste, j'essaie de voir, d'entrevoir ce que le réalisateur a voulu dire, là, qui n'ose pas entrer dans la vie adulte. Qu'est-ce qu'il faut pour entrer dans la vie adulte? Hein, qu'est-ce qu'il faut, madame? Vite, qu'est-ce qu'il faut? Monte ton son, toi, merci. Qu'est-ce qu'il faut? Ah, c'est bon comme ça, là. Est-ce que tu t'entends bien? Je m'entends très bien. Est-ce que c'est bien? Ben, c'est presque... En fait, c'est ma voix. C'est énervant. Oui. C'est ondulé. Oh! Moi, je suis un ondulateur précoce. Bon, un autre ondulateur précoce. Mais là, pour devenir un adulte, qu'est-ce qu'il faut? Sans doute quitter le noyau familial. Bon. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'il faut? Un travail stable. Sans doute. Là, dans ce travail stable-là, est-ce qu'on va amener des préjugés, là, une formation de haut niveau pour avoir un bon emploi? Est-ce que c'est avoir une voiture, avoir une femme stable, être marié, avoir des enfants? Tu sais, s'enraciner pour ne plus bouger, pour ne plus être un aventurier de l'existence? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, le réalisateur, là? Ça me dérange. Parce que ça vient me chercher pour me dire, est-ce que, parce que je ne l'ai pas vu, là, est-ce que ce récit filmique-là nous endormira pas dans des clichés, des stéréotypes du prépubère de 30 ans là, qui va de bar en bar? Quoique, tu peux être un adulte et d'aller de bar en bar, là, surtout si tu raccompagnes des prostituées, des danseuses, oh! Quel beau travail, hein? Des conducteurs de filles de luxe qui dansent sur une scène devant des bipèdes monocellulaires. Et c'est merveilleux. Nous vous présentons la belle Rita ce soir. Rita Toulouse vient de Las Vegas. Elle a fait un succès extraordinaire. Elle a repris le chant du cygne. Mais les signes n'étaient pas pour l'oiseau, mais pour tous les hommes qui sont là pour la déplumée du regard. La déplumée du regard? Oui, monsieur. Oh, mon Dieu. Êtes-vous prépubère? Très prépubère. Offrez-lui des verres, elle saura vous montrer son univers. Oh, mon Dieu. Deux glaces et le tour est joué. À quel endroit? Dans le verre. Oh, mon Dieu, Seigneur. Alors, on vous la souhaite très belle ce soir. Elle partira demain en avion. Ou dans un lit à réaction avec quelques concubins. Et faut-tu être concubin, Monsieur le Président, Messieurs les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue. Et notre belle danseuse n'a rien de refait, sauf sa prothèse dentaire d'en haut, puisqu'elle a tombé la veille dans une toilette publique. Comme elle est dédaigneuse, comme Jacob. Parce que Jacob est dédaigneux. Très dédaigneux, Jacob. Il n'a jamais voulu... Non, on le sait. Il n'a jamais voulu non plus. On le sait aussi. Puis il ne voudra jamais. OK. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés. C'est clair comme de l'eau de caboche. Puis ton eau de caboche? C'est brumeux comme une caverne. Une caserne? De police. Pas d'eau? Que des boyaux. Les patro-catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'absurde aventure de l'Errance Rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres. Ça, c'est un chant d'oiseau. Pitre. Diégétique, votre itinérant langagier, Rénal de Gagne. Aujourd'hui, le vendredi 26 octobre 2012, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien, les amis. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, j'ai récupéré, hein? Ah, c'était d'une beauté vertigineuse, merci. Et pour nous envelopper dans un narratif, unissons-nous autour de deux actrices, Marie Menchin et Sophie Parel, qui donnèrent à la pièce de Michel Tremblay, créée en 71, une vision particulière. particulière. Marie Manchin débute le théâtre très tôt et décide rapidement d'en faire son métier. Formée à l'école du vélo volé. Hey, ça, c'est bien. Vélo volé, vélo volé, vélo volé, vélo, piano, panier, piano. Par François Hanvan. Et au Québec, elle est actuellement comédienne. Elle était... Hein, comment? Et au Québec, elle était comédienne au sein de la compagnie Actensène. On connaît très bien Sairance Reynaldine, on les salue très bas. Également titulaire de master en études théâtrales, elle s'intéresse à toutes les facettes du métier de la culture. Praticienne de danse et depuis peu de chant, elle souhaite toucher à tout. Et elle a touché le cœur de l'errant Reynaldien. De son côté, Sophie Parel a suivi une formation à la comédie et au chant et à la danse et au cours Jean Darmel ainsi qu'à l'école de théâtre des Enfants Terribles. Elle a travaillé avec Fabrice Edbédard et monsieur, est-ce que je l'ai dit comme il faut? Presque. Herbérard, Lev Dodin ou encore Jean-Luc Jenner, passant entre autres des planches du théâtre de l'Opprimé à celle du Châtelet. Point. Veux-tu recommencer parce que ta lecture, ok, je vais juste la okay. Entre autres, à tête, il y a Bessemérine. Bessemérine. On est à Marine. On est au fond. Le fichement, ça, hein? Comme trou, c'est dans le trou. Alors donc, elle s'intéresse à toutes les facettes des métiers de la culture, praticienne de danse et depuis peu de chant. Elle souhaite toucher à tout. De son côté, Sophie Parel, je recommence pour avoir l'air super important. Et super, non pas super important, mais super bien formé. De son côté, Sophie Parel a suivi une formation à la comédie, au chant et à la danse au cours de Jean Darmel, ainsi qu'à l'école de théâtre des Enfants Terribles. Elle a travaillé avec Fabrice Ebéard, Lev Dodin et ou encore Jean-Luc Jenner, passant entre autres des planches au théâtre à l'Opprimé et à celle du Châtelet. Point final. Le cinéma et le théâtre ont fait appel à elle avec Costa Gavras dans L'Éden à l'Ouest, Jacques Maillot dans Les liens du sang. Nous pouvons également la voir dans de nombreux téléfilms et courts-métrages. En juillet 2012, Errance Reynaldine se trouvait là, à Paris, pour rencontrer ses belles et ses deux demoiselles. La vie en rose, on n'a pas autre chose. Gratte-moi la génus. Elle fait l'amour qu'à Dieu, elle fait ça qu'avec God. Confessez-la, confessez. Car le bord de l'angoisse est toujours prohibé. Vais-je bien monter? J'entends des voix de velours. J'attendrai ton retour. J'aurai se décommander à d'autres chats à fouetter. J'en ai les balles masquées. Prenez va renégocier. On se fait des bis sur le Titanic. Entends-tu mon ukulélé dansant sur des tweets sous mon nez. Détruit, détruit. Le Paso va doubler, le Paso va doubler. Paso doublé. Je m'en allant vers au fond de la vallée. Par commander, j'entends des voix de velours. Dis-moi, j'attendrai ton retour. C'était commandé à d'autres chats à fouetter. J'en ai les balles masquées. René va renégocier. Vite, Marquis. flamant rose. Bene va bene benelux. Plus un mot d'elle déchirait le bouc. Demain elle me les faut toutes. Le moussard et la barre avec un chalumeau. Plus avait des amis. Et le port de l'angoisse est toujours prohibé. Lèche bien monté, dit Martine. J'entends des voix de velours. Dean Martin, j'attendrai ton retour. J'ose décommander à d'autres chats à fouetter. J'en ai les balles masquées. René va renégocier. C'est dur. C'est pas évident. C'est dur. On y arrive, mais c'est dur. Ouais, moi, j'y arrive pas encore. Non, c'est dur. Ah, ouais, mais c'est pas non, moi, c'est mon premier rôle. Après ça, j'ai pas, moi, j'ai pas de vision. Donc, j'ai monté ma compagnie pour essayer d'avoir. Compagnie de théâtre. Oui, pour essayer d'avoir des projets. Donc là, j'ai un premier projet de mise en scène. Est-ce qu'il va être abouti ou pas, ça, je sais pas. Okay. En tout cas, j'ai le texte, j'ai les comédiennes, donc on verra bien. Mais encore à non, dans la même situation que moi, quoi. Après, au niveau du théâtre, bah, comme je démarre, bah, je connais personne. Au niveau, donc, je connais pas de metteurs en scène qui peuvent me faire jouer. Au niveau des agents, donc tout ce qui est plus télé, cinéma, bah, alors là, je connais encore moins de monde. Donc c'est déjà de rentrer dans ce milieu-là, c'est très dur. Et de pouvoir en vivre, surtout si on reste au théâtre, c'est plus dur parce que le théâtre est quand même moins bien payé que le cinéma. Ah bah ça, c'est sûr, c'est sûr. Le théâtre, c'est voilà. Pas mal le parent pauvre de l'art dramatique parce qu'au cinéma, tu fais beaucoup d'argent. En publicité, tu fais beaucoup d'argent. Mais le théâtre, c'est ouais, très ouais. Après, non, c'est très difficile. Bah, c'est bien de faire un peu de tout. Moi, je fais du théâtre, un peu de tournage, un peu de pub, du doublage. Voilà, avec tout ça, j'essaye de. Et moi, j'essaye de rentrer dans tout ça. Oui, ben, tranquillement, on ne sait jamais. Michel Tremblay peut oui, ben, ça va venir, Lyon, ça prend du temps, j'espère. Puis avec tes projets, puis surtout avec un CV d'étudiant de la personne là-bas. Ça aide. Non, mais pour la blague, le projet de mise en scène, c'est l'effet On Soif, mon projet. Oui, oui. Ah oui, oui, ah, voilà. C'est bon. Très, très bon. C'est une pièce québécoise. Oui, j'ai compris. Puis c'est une des seules femmes québécoises. En art dramatique qui a fait son nom aujourd'hui. Bah, Carole Fréchette quand même. Oui, mais un petit peu moins. Bah, Carole Fréchette est en tout cas en France, enfin Les Fées en Soif, je crois, n'a jamais été monté en France. Je ne suis pas sûre de moi du tout. Les Fées en Soif de Denise Boucher. Non, mais ça a juste été monté une fois voilà. Au Québec. Hein, mais en France, Denise Boucher, elle n'est pas. Voilà. Mais elle n'est pas arrivée en France du tout. Okay. Alors que Carole Fréchette, à la Folie Théâtre juste après nous. Il y a Jean et Béatrice, oui. Donc de Carole Fréchette est énormément jouée en France. Hein. Moi j'ai joué la peau d'Elisa. La pièce la plus jouée, c'est Les Quatre Morts de Marie. Ah oui, c'est magnifique. Ça. C'est après ça revient. Suzanne Lebeau, au niveau du jeune public, commence un petit peu. Enfin, il y a surtout Le Grelet qui est monté. Okay. Je vois ça, j'ai vu genre. Marc-Michel Bouchard aussi, Les Muses Orphelines avec Molière. Il n'y a, Molière. Y a que Les Muses Orphelines qui est monté. Grâce à Gélinas, est-ce que vous connaissez ? Est-ce que 4 à 4 de Michel Garneau, je crois que ça a été monté en France. Oui, mais c'est pas. Et ça, c'est génial, j'adore cette pièce. Alors, Grâce à Gélinas, je pense pas que ça soit connu en France. Ok, les Fridolina, non ? Non, ça, c'est pas arrivé c'est ici. Parce que ça pourrait être actuel, c'est des événements, c'est un peu des histoires des petites publicités sur scène de 3-4 minutes. Donc, c'est des flashs. Et donc, ça peut être modifié, mais au bout du jour. À l'époque, c'était limité. Oui, non, mais après, y a en France, il y a un certain amour du Québec et de la langue québécoise. Donc, ça arrive petit à petit, mais pas... Ça prend du temps, mais je pense qu'on va y arriver parce que le cinéma québécois est en train de vraiment rentrer dans le paysage français. Le théâtre québécois, les séries québécoises, la culture québécoise rentre... Ce qui est drôle, c'est que par exemple, sur TV5, on a les séries québécoises en québécois, mais si elles sont passées sur France 2, par exemple, il y avait... je me souviens plus de cette... La vie de... C'est l'histoire d'une fille, là. Oui, voilà. Je sais plus du tout le titre de la série, donc je la voyais sur TV5 en québécois. Ouais. Et je l'ai vue sur France 2, je dis, c'est marrant, ça commence à venir sur la télévision publique. Ouais. Et c'était même pas sous-titré, c'était doublé en français. Ah ouais, c'est dommage. Alors que c'est du français qui est doublé. Bon, les films québécois, là par exemple, il y a Starbuck qui est sorti mercredi. Oui. Et autant il y a des films, par exemple Les Amours Imaginaires étaient doublés par Xavier Dolan, là c'était génial. Xavier Dolan était sous-titré sur toutes les phrases. Et on voit ça de moins en moins. Et Starbuck, il n'y a que des expressions qui sont sous-titrées. Okay. Et il y a un côté, vraiment très agréable à ça. Parce que, enfin, il y a. Bah oui, et puis. Les gens ont très bien compris les têtes à claques en France. Mais c'était des petites capsules aussi. Oui, mais c'était quand même très avec un accent québécois très prononcé. Des blagues québécoises. Voilà, et puis avec des expressions. Ils faisaient exprès quelque part. Et on a très bien compris en France, ça a marché. Donc pourquoi on ne comprendrait pas le québécois ici? La douane avec Eddie Bandel après-midi. Je brûle un cierge à Saint-Denis, d'avance merci. Je rêve tout sur une grande échelle depuis que le pont qui casque. Pas de nouvelles vagues, l'année dernière à marée basse, elle a tellement plu qu'elle est encore toute mouillée. Elle est encore toute mouillée, tellement beaucoup qu'elle a plu. Mistinguette, Michou, mes raisins, les yeux fermés, j'achète. En dépit des French cancans, j'en fais des kilomètres. Elle m'a plaqué, pas de quartier dans le quartier. Les escaladors sont-ils vraiment ce qu'ils étaient? Elle a tellement plu qu'elle est encore toute mouillée. Elle est encore toute mouillée, tellement beaucoup qu'elle a plu. La douane avec Eddie, je prends soin du canari. Je prends le poisson rouge deux fois par jour, il te reste fidèle. Joyeux Nobel et encore bananier. J'annule la manicure, ça lui fera les pieds. Elle a tellement plu qu'elle est encore toute mouillée. Elle est encore toute mouillée, tellement beaucoup qu'elle a plu. La douane avec Eddie Bandel après-midi. Je brûle un cierge Saint-Denis, d'avance merci. Je rêve tout sur une grande échelle depuis que le pompier casse. Pas de nouvelles. pu être millionnaire avec piscine et vue sur la mer. Mais je suis dans la merde et je vous emmerde. Sentimentalement, démissionnaire. Professionnellement, suicidaire. Et tu vois, moi je suis dans la merde et je vous emmerde. Vous dansez, mademoiselle. Non mais ça va pas, non. Mais casse-toi là. Tu vois pas que tu m'importunes, hein. Oh, taré, va. J'aurais pu être votre amant. Ouais, c'est ça, ouais. Et caresser vos seins blancs. Mais je suis une merde et je vous emmerde. Ouais, bah moi aussi je t'emmerde. Vous dansez, mademoiselle. Mais qu'est-ce qu'il veut, ce connard, hein? Je t'ai dit de te casser. Allez! Vous arrêtez, mademoiselle, et ne le prenez pas sur ce ton. Je suis un poète et je vous emmerde. Ouais, poète, poète. T'emmerdes la terre entière, ouais. Ouais, je suis un poète. C'est pas vrai. Poète, poète, poète. Poète, poète. Et regarde-toi. Je vous Allez. Emmerde. Va-t'en. Allez, bah, va-t'en. Sois gentil. Casse-couille. Je vous emmerde. Laissez, va. Enfin, je ne comprends pas, c'est une méprise. Gros puceau, va. Ouais, tu veux que je continue à t'insulter, mais pourquoi tu restes là? Allez, va-t'en. Tu chantes, tu es poète, tu en mets. Va-t'en, sois gentil, rentre chez toi. Bois une bière au bar. Je suis déjà pas mal bu. Qu'est-ce que tu veux? Mais bouge. On commence avec une phrase de démarrage. Non, mais depuis 30... Ça fait combien de temps? 39 minutes. L'émission roule. C'est merveilleux. Les gens ont ri, là. La troisième rangée en arrière. Troisième rangée en arrière. Bon, OK. Non, mais il y a une chanson qui joue, là. Mais la troisième... Je sais pas qu'on... J'ai pas dit en avant, en arrière. À l'âge de 4 ans, on apprend en dessous, au-dessus, en avant, en arrière, à gauche, à droite. Hein? Allô, bonjour, bonsoir, bonne nuit. Hein? Comment vas-tu? Hein? En avant, en arrière. Ça rit, là, regarde-moi ça. Hein, comment ça, ça rit? Il n'y a pas de Rita? Philippe et Catherine? Philippe et Catherine, je vous emmerde, c'est... Comment ça, couper? Couper qui? Vous n'avez pas coupé Philippe et Catherine? Ah, c'est... Ah, bonjour, bonsoir, bonne nuit, comment ça va? Merci, bye, à la prochaine. Non, non, arrêtez! Oui, une phrase de démarrage, oui, OK, parce que Rita m'a dit, cette petite tourterelle, aux oreilles frêles, au regard trancheur, c'est beau, trancheur. Elle m'a dit, Reynald, ton spectacle du 29, c'est quoi? C'est pas le 29, t'es complètement dérapé, mais je voulais pas non plus que mon public le sache, le sait, bonjour. Attendez-moi ça, je vais vous le mentionner. Le 26 octobre. Ouais, le 26 octobre, là, ça lève pas. Comment ça? Mais je sais pas comment ça, c'est toi. Je porte tous... Madame, mademoiselle, messieurs, je porte toujours de moi, dans n'importe quelle circonstance. Ben, de moi, dans la mesure où c'est quelque chose qui est répété, dont l'effet devrait être le même à n'importe quel moment. Et lorsque je vois qu'il n'y a pas la même réception, je me dis, la faute, ce n'est pas l'autre, mais moi. Ayant joué sur les grandes... C'est les grandes quoi? Les grandes planches, non, c'est des petites planches, hein? C'est du flottant. Ben, du flottant. Au théâtre, c'est toujours, on dit, ah, les planches, mais c'est du flottant. Comment ça, du flottant? Ben, c'est parce qu'anciennement, là, anciennement, c'était les granges, hein? On transformait les granges en théâtre. Oh! On faisait du beau théâtre pour le peuple. Du théâtre pour faire rire, là, pas du théâtre sérieux, là, pour les lunettes, là, le monde à lunettes, là, qui comprenait, ah, viande, très bien, ça va, du français qu'on comprenait pas, là. Du français qui venait, là, de l'autre, passé, de, hein? De l'autre côté de l'eau, là. Ça, celui-là, là, nous autres, on n'aime pas ça, là. Dans nos granges, au théâtre, ce qu'on veut, c'est rire, pas trop compliqué. La bonne phrase, un peu de... Non, on aime ça, hein? De la facilité, là. Oh! Comme c'est l'histoire du gars. C'est drôle, ça, hein? Ben, pas tout le temps, ça dépend. Ouais, si le gars se fracture la myocarde, la qui? La myocarde, la pancarde, la... la pancarte. Mais, ouais, c'est ça. Elle me dit, nous sommes vendredi, mais elle me dit, si c'est comme ça, nous reviendrons mardi, mardi matin, de voir sa femme et son petit plein, son lui se voir, là, déjà fait. Mais, pars avec une phrase de démarrage. Comme ça, tu vas voir si ça fonctionne. Si t'es dans la sensation que ton émission te tient dans la main. Mais là, comment je fais pour... J'ai tenté plusieurs fois, lorsqu'il y avait des chansons et des rencontres audio, de tenir mon émission dans la main. Bon, oui, elle me coulait. Ben, l'audio, ça me coule, moi. Ça me coule dans les oreilles, jusque dans les entrailles, et ainsi soit-il maintenant et toujours, et pour des siècles et des siècles. Et puis, ensuite, ça s'évanouit dans l'atmosphère. Plus ça s'évanouit, plus ça s'en va. Plus ça s'en va, plus on l'oublie. La phrase de démarrage pour faire lever l'émission, t'as pas besoin. Oui, oui, on va la faire lever, je te le dis. Oui, oui, abandonne les ballons à l'hélium. Abandonne tout ce qui va nous faire voler et envoler. Les mots le feront pour nous. La rigolade est à l'orée. À nos portes. Oh, ça cogne. Elle est à nos portes, c'est à nos portes. Ouvre pas maintenant, on sait que le gag va arriver, là. Il frappe, gars. Il est là, il frappe. Oh, c'est drôle. Oh, je suis prêt. Voilà. Dis le mot démarrage avant, mais oui, ça frappe. C'est le gag, c'est la blague, là. Non, ouvre pas la porte. Mais s'il s'impatiente, il pourra plus, il va s'en aller. Et ici, c'est comme les témoins du Jéhovah. Des jours là, j'ai mon mot à dire là-dedans, moi, là. Ils ne s'enfouiront point. Puisque point sur la gueule, ils le recevront. Ben oui, mais c'est une blague. Est-ce qu'une blague peut recevoir un coup? Ben oui, un coup de théâtre. Ah, mon Dieu, OK. Alors, c'est bon, c'est très bon. T'es déjà, on est haut, on est haut. Oh. Là, nous survolons actuellement. L'immensité. Est-ce qu'on peut prendre la phrase de démarrage? On va décoller après. Hein? OK. Alors, la phrase ici, c'est... Déboucher. Nous débouchons actuellement dans une aventure extraordinaire. Vous êtes les seuls acteurs de cette aventure. Arrêtez de dire des sept. Oh, des huit aventures extravagantes. Des trois cochons dingues. C'est pas dingue? Dingue. Deux dingues, trois dingues, tu l'auras. Hein? Non, c'est trois pintes. Trois pintes, tu boiras. Non, des pintes, oui. Oui, quand je fais de la peinture, là, j'appelle des peintres. Je lui dis, viens-t'en, on va te boire, toi. Comment ça? Ben oui, des peintres. On va boire une peintre, un peintre. Non, c'est une peintre. Mais pourquoi on dit un peintre? Un peintre peinture, une peintre, c'est dans un verre. Ben voyons, toi, tu me complexifies ça. Ben, non, calme-toi. Ne pompe pas tout mon oxygène. Garde-toi une petite parcelle d'air pour laisser ma place à moi, Rénal, c'est moi, lui. Et laisse-moi de la place. Laisse-moi une petite place, là. Laisse-moi une place ici maintenant, quand le vent d'un coup géant Si tu es dans mon univers, tu seras dans le revers. Comme le ping-pong. Ping-pong, le revers. Hé, ça frappe-tu? Ça sonne? Ding, dong. Non, non, c'est... Oh, le gag est là. Le gag est là. J'espère que ça va être bon, hein? Oui, c'est ce qui va déclencher la chanson. Oh! Hey, ça, c'est comme un mécanisme. Le mécanisme. C'est-tu is ou ist ou ist? Mécaniste. Mécanisme. Mécaniche. Mécaniche, je les tombe, moi, une fois par semaine. Hey, ça pousse comme de la mauvaise herbe, ces caniches-là. Hey, je les ai achetées, il y avait un centimètre. Ça faisait pip-pip-pip-pip, ça se promenait, puis ça faisait pif-pif-pif. Aujourd'hui, ça fait ruf-ruf. Ça mesure 15 mètres. Je les amène à la foire. Là, il s'est foire, t'es bien sûr. Un caniche, un géant dans une foire, ça s'est foire. Et là, les enfants veulent tout faire au gros caniche géant. Mais là, la gueule est de ma tête de juif errant, de pâte grec et mes cheveux aux 80. Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle met? Non, mais sa gueule à lui, là, au caniche. J'ai peur que ça mange des enfants, ça, là. Fait que je mets une muselière. Mais là, ça n'existait pas aussi gigantesque. Je l'ai fait faire sur la démesure de mon grand escogriffe de peintre. Ah, parce que c'est un peintre qui fait le cuir. Ben oui, parce qu'il est dans le cuir aussi. Il est rencontré dans un sauna, il disait, moi, je suis cuir, je suis peintre, je fais ce que tu veux. Ben, veux-tu me faire une muselière géante, mon cuir? Ben, avec plus grand plaisir. Tu veux que je te construise sans peinture? Parce que je sais pas si ça peut s'installer, là, une muselière en peinture. Ben, on peut te faire ça comme tu veux, là, en acier inoxydable, en peinture, en cuir. Ben, moi, je préfère le cuir, tu sais, j'ai toujours été un peu cuir, surtout le vendredi soir, là, avec Gaétane, hein, Rosiane, Lise, Marie, Marianne, Suzanne, ouais, du cuir. Je veux du cuir, je veux que ça... J'amène la chaleur humaine. Ouais, mais c'est un chien. Mais la chaleur canine. Oh, puis hey, j'ai la canine qui me fait mal, moi, là. Ah, j'ai dit, Janine, veux-tu m'arracher ça? Elle dit, je suis pas une spécialiste, moi, là. J'arrache pas des dents. Non, mais tu m'arraches la patience, toi, là. Si tu m'en l'enlèves pas, là, je pense que moi-même, je vais pas m'enlever la dent, mais on m'enlève la vie. Arrête des promesses. Non. Non. Hey, ça, c'est les planches. Ça. Oh, non. C'est flottant, très flottant. Ça frappe, c'est le gag. Non, il n'y en a pas de gag. C'est une émission où il n'y a jamais de blague. Ben, quand on l'a, on est surpris nous-mêmes. OK. Ça s'improvise pas. Ça vient ou ça vient pas. Hey, on dirait ma vie, c'est... Oui, c'est... Le gag, OK. Ouvre la porte. On dit... C'est pas une blague, ce que tu vas dire là. C'est une chute. Il y a une différence, mesdames et messieurs. On va vous raconter ça ici, là. Il y a une différence, une petite différence, entre une blague et une chute. Une chute! C'est ce qui termine un récit, un élan narratif, une tirade, une élocution, un dialogue. Bref, c'est ce qui met un point final. Pow! Un gros point final sur la baboune de la phrase. Là. La droite, la gauche, l'uppercut de la phrase. Pim, pam, tu prends le feu. Le point n'est pas là, mais il t'arrive. Le point, tu le vois arriver. Là. Est-ce qu'il y a des suspensions, d'interrogations? Les guillemets, tu souhaites une chose, que les guillemets ne t'envahissent pas le cerveau parce que c'est gros, c'est comme des Pac-Man. Tu dis ça de te faire attaquer par des guillemets? À l'intérieur d'une phrase? À l'intérieur de la phrase, oui! Tu vois arriver parce que la phrase est longue, mais là, les guillemets se referment, ça se referme. À un moment donné, ça sera pas. Pow! Ben, c'est fini! T'es un malade? Non, c'est la phrase qui nous a anéantis. C'est ça, la vie. C'est jamais à quoi t'en tenir. Puis là, c'est le moment où tu n'y t'y attendais. Oui, comment? C'est au moment, oui, où tu ne t'y attendais pas. Et monsieur, peux-tu m'écrire ça? Oui, où tu titi, le chat veut avoir le titi, mais le titi est en haut. Avez-vous déjà vu un titi en bas? Quand le chat est en haut, titi est en bas. Mais ici, le titi est en haut, le chat est en bas. Il y en a un qui est en haut ou en bas? Mais c'est jamais les deux au même niveau. Parce que sinon, le chat titille dans la bouche. Puis quand titille dans la bouche, coup de théâtre, sort de la bouche, explosif, n'importe quoi. Mais le chat, c'est qui? C'est Sylvestre. Et c'est pas Anne, la grande chanteuse Anne Sylvestre, qui nous chante ce soir une mélopée qu'elle a composée pour nous. La grande Rénaldienne. Elle n'est pas là. Anne Sylvestre. Elle n'est pas là. Ben voyons, elle n'est pas là. Je viens de l'annoncer. C'est pas parce que tu l'annonces qu'elle va arriver. Mais ben pourquoi pas? On dit pas de la magie radiophonique. Oui, mais là, c'est pas de la magie. C'est de la maladie mentale. Ben non, voyons. Écoutez, écoutez. Anne Sylvestre. Mais là, est-elle au piano? Ben oui, elle est au piano. Anne Sylvestre, sans piano, c'est pas Anne Sylvestre. Quand tu dis Georges Brassens, c'est à la guitare. Quand tu dis Jacques Brel, c'est au temps. Au temps, ben oui, les dents. Je suis des dents. Comme le soir. Quand tu dis Gilbert Bécaud, c'est piano. Quand tu dis Barbara, c'est piano. Quand tu dis Alain Souchon, c'est Alain Souchon. Quand tu dis Julien Clerc, il se cache derrière sa beauté. Alors, ce soir, Errance canadienne, nous vous présentons Anne Sylvestre. Elle n'est pas là. Okay, comment ça? Paul, tu ne l'as pas invitée. Mais je l'ai pas. Je l'invite, là. J'ai dit Anne Sylvestre. Ben oui, mais elle ne sait pas. De, pas. Comment ça, elle ne sait pas? On lui dit, là, Anne Sylvestre. Ben, ça se fait pas instantanément. Il faut appeler. Il n'y a pas de magie. On dit de la magie. On fait croire au monde que c'est de la magie, mais c'est pas de la magie, c'est de la préparation. Arrête donc, oui. Standing on the corner. Suitcase in my hand. Jack is in his corset. Jane is in her vest. And me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding in a Stutz Bearcat, Jim. You know, those were different times. Oh, all the poets studied rules of verse. And the ladies, they rolled their eyes. Ooh. Sweet Jane. Banker. Jane, she's a clerk. And both of them save their money. But when they come home from work, sitting down by the fire, ooh, the radio display. Classical music there, Jim, the march of the wooden soldiers. All your protest kids, you can hear Jack say. Life is just to die. who ever played a part. Wouldn't turn around and hate it. Sweet Jane. Sweet Jane. Sweet Jane. Sweet Jane. Heavenly wine and roses seems to whisper to her when he smiles. Wine and roses seems to whisper to her when she smiles. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. C'est pour se vendre aussi plus rapidement. Ouais, je sais, je sais pas. Quand je présente quelque chose en disant, mais écoutez, s'ils comprennent pas, c'est sous-titré ou c'est traduit. Oui, ça rassure les diffuseurs peut-être, ouais. Oui, oui. Je dois vous laisser, je suis arrivée tard. Ben écoute, on se retrouvera, j'ai ça chaque année. Voilà. On se retrouvera au théâtre l'année prochaine dans une pièce de Chipotle. Je sais pas qui, je ne connais pas. De Denise Boucher, les fonds soif. D'un Québécois. Et ce sera peut-être censuré. Non. Il y a l'abstention n'existe plus en France. Ouais. Officiellement. Ah oui, Sarko, c'est vrai. Sarko, ah mais il est plus là. Il est plus là. Non, c'est vrai. Ah oui. Ah oui, Alain, on va résister. Ouais, on revit. Bah, à demain. Salut. À bientôt. Alors. À bientôt, oui. Je vais payer mon café. Puis, qu'est-ce que je vais dire, donc toi, éventuellement, après Avignon, tu vas travailler sur la pièce que tu as mise en scène. Alors, bah oui, je vais travailler là-dessus, mais pas seulement. Hein. Étant donné qu'on va être en alternance, ça ne me bloque pas du tout pour d'autres projets de théâtre. Et surtout, je vais me remettre un peu à démarcher pour moi. Okay. Parce que là, c'est vrai que cette année, je me suis beaucoup consacrée à Marie-Lou. On l'a énormément joué pendant 6 mois. On a fait énormément de travail de communication. Okay. Même nous, les comédiens, on était... Alors, vous y croyez, à cette question? Ah oui, on y croit vraiment. Okay. Ouais, on y croit. Et puis, c'est un projet dont je suis fière, Marie-Lou. Tu gardais toujours le même rôle, oui. Tu as resté avec Carmen. Ouais. Moi, j'adore ce personnage, j'adore cette pièce. En plus, c'est le personnage le plus froid, le plus extravagant, celui qui est un peu porteur d'espoir quand même, même si elle a beaucoup de fragilité, elle a une fêlure. Et puis on se demande si elle s'en sort vraiment, mais quand même, elle s'accroche aux branches et elle essaye de s'en sortir. Elle est portée sur l'avenir. Donc, ouais. La religion, ouais. Elle a transcendé. Ouais. Elle a transcendé quelque chose. Ses parents, elle les a oubliés, tandis que l'autre est toujours pris dans... Scotché, avec, ouais. Avec ouais. Ses parents, le monde du christianisme et la religion... Oui, la culpabilité, oh, oui, tout ça, ça ouais. Et qu'est-ce que... Ah oh, oui, c'est ça. Comment tu perçois Tremblay, comment, en travaillant autant, comment tu l'as perçu, comment tu l'as saisi, surtout dans cette pièce-là? Difficile de le saisir uniquement par le biais seulement de cette pièce-là, mais c'est un auteur d'une grande humanité, hein. Pour moi, c'est un auteur majeur. Hein. Vraiment, il gagne à être connu en France. Il faut absolument que cet auteur-là soit beaucoup plus connu. C'est scandaleux qu'il ne soit pas plus connu. Et voilà, c'est un auteur d'une grande humanité. Puis c'est un auteur qui parle... moi, je suis très sensible. Et puis, il parle énormément des femmes. Et moi, ça me touche beaucoup, ça. Puis, il y a toujours les mêmes personnages, c'est-à-dire de la prostituée, ouais. Le travesti, il y a beaucoup de travestis dans le monde. Ouais, ouais, ouais. Et un peu le monde sale, le monde, ouais. Le monde corrompu, ouais. Les gens qui vivent dans l'underground, du pauvre monde, là, ouais. Des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui en rament, tu veux, la mère va avoir un enfant, où on va le placer, cet enfant-là, c'est, ouais, ouais. C'est le Québec qui essaie de sortir du christianisme, qui essaie aussi de sortir de la misère, puis incapable. Ouais, c'est difficile, ouais. Ouais. Donc ben voilà, c'est tout ça, Michel Tremblay, pour moi. Et pourquoi avoir travaillé autant? Pourquoi y avoir cru autant? Bah, déjà, c'est un texte, on peut pas se permettre de le prendre comme ça, par-dessus les jambes, c'est impossible. C'est-à-dire, ou on le fait ou on le fait pas. C'est vrai. Et moi, j'ai eu peur, hein, avant, quand j'ai dit oui à Christian Bordelot, je me suis dit, mais est-ce que je vais être à la hauteur? Parce que c'est un jeu qui tu allais prendre comme. Oui, comme oui, il m'avait proposé directement le personnage de Carmen. Ouais. Je l'ai lu et je me suis dit, quand même, c'est balèze. En plus, Carmen, elle dit tout le temps la même chose, finalement. C'est difficile comme partition. Finalement, elle essaye de secouer sa sœur. Elle dit finalement que la même chose. Donc il fallait trouver les nuances là-dedans pour pas que ce soit monotone, monocorde et tout. Donc ça m'a fait peur. Et puis même le début, les trois premières phrases, hein, ça revient noir, ça revient noir. Ouais. Après ça, ça part. Ouais, ouais. C'est comme si la vie était toujours routinière. Ouais. Et puis là, c'est comme une mécanique qui a du mal à s'enclencher, comme la bobine, la pellicule d'un Super 8. Oui. Qui a du mal à s'enclencher, voilà. Revient, voilà, on commence, hop, ça bloque. On recommence, hop, ça bloque. Et puis hop, ça y va et ça repart. On y va, vas-y, y'a pas de problème. Excuse-moi, juste deux secondes. Non, y a pas de problème. Allô? Oui. Je suis en train. D'accord. D'accord, ok. À tout de suite alors. Ouais, d'accord, ok. Salut. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I'd never have to see the day again. If you close the door, the night could last forever. Leave the wine glass out and drink a toast to never. Oh, someday I know someone will look into my eyes and say hello. You're my very special one. But if you close the door, I'd never have to see the day again. Dark body bars, shiny Cadillac cars, and the people on subways and trains, looking grey in the rain as they stand as a parade. Oh, would people look well in the dark? And if you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. 'Cause if you close the door, I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Encore une fois, I'd never have to see the day again. Laisse faire, Marie-Louise, faisons quoi nos toasts, je vais les gratter. C'est toi qui t'es mis ça dans la tête que je voulais que tu me copies. Je veux pas que tu me suives, hein. Je veux juste que tu sortes d'ici, que tu sortes de tes rêves un peu. C'est pas des rêves. Tu le sais que c'est pas des rêves. C'est ce que tu fais, toi, qui as un rêve, Carmen. C'est toi qui vis dans le rêve. Il reste du beurre de pinette. Si c'est toi qui vis dans la réalité, ouais, bah j'aime le rêve. C'est-à-dire, J'en ai acheté un pot neuf, l'autre était vide. C'est ça, c'est ce que t'es. Je t'ai pas demandé de te réveiller. Ben, sans eux. Il reste un peu de smoothie, Léopold, le sapin. T'en penses, c'est pas de chier. N'avais plus de smoothie, mon dit. Maudit que t'es bête. Tu vas pas me faire une scène pour 6 scènes. Ça, je suis bête. Vous l'avez toujours dit. Certain que je vais te faire une scène. Bon, c'est pas le beurre de pilote qui est le plus cher, c'est steak caché. Qui coûte 69 cents la livre au lieu de 49. Puis quand c'est pas le steak caché, c'est d'autre chose. Puis tu t'arranges toujours pour me redemander de l'argent de Marnie. Tu m'en donnes pas assez. Oui, je t'en donne assez. J'en donne même trop. Tu le sais combien je fais par semaine à suer comme un Christ en croix, en arrière de ma crise de machine pour vous faire vivre. Bah oui, je le sais que tu fais un salaire de crève faim. C'est pas une raison pour te priver de part depuis notre crunchy. Quand tu suis comme un Christ en croix en arrière de ta crise de machine, dis-toi qu'au moins demain, tu vas manger du beurre de peanut crunchy au lieu du beurre de peanut smoothie. C'est déjà mieux que rien, bâtard! Pour un je ne sais quoi, je ne fais pourtant de tort à personne. En suivant mon chemin de petit bonhomme, mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que... Non, les braves gens n'aiment pas que... L'on suive une autre route que... Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne. En n'écoutant pas le clairon qui sonne, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que... Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que... Tout le monde me montre du doigt, sauf les manchots, ça va de soi, ils ne font que... carry a badge. I carry a badge. Dragnet! Hey, m'entends-tu, toi, Maguetane? Ouais, mais le son est au maximum. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a un bouton qui est collé. Décolle-moi ça. Est-ce que ça va mieux? Non, pas du tout. Ouais. On se demande. Ouais. Donne-moi un petit peu, là. On porte une petite chanson? Ben, c'est quoi? C'est un problème technique? Peut-être. Peut-être pas. C'est au maximum. Ici. Oh! On a trouvé le problème, là, hein? Oh, oh! C'était la cariotide. La rimousse blabine. La grosse gamine. Oh, oh, oh! Qui était coincée. Dans le HLR. C'est pas un HLM, non, c'est un HLR. Il faut expliquer au public qu'est-ce qu'un HLR. Croyez-vous simplement, mon petit ami? Non, je suis grand. Votre grand ami? Oui, mon grand ami, Denis Roussas. Non. HLR, oui, HLR. Achalez-moi pas avec le HLR. Oui, mais c'est, ça plaît pas au public, savoir ce que ça veut dire. On leur dira pas. On va continuer à y divertir. Il reste encore combien de temps? 45 minutes, 50 minutes, 45 minutes? On n'a pas parlé de ça, nous autres, là. Si vous voulez, on ne montre pas de théorie. On va rester dans la pratique. Là, je suis très heureux que mon micro soit revenu parce que là, j'ai eu chaud. Hey, là, j'ai joué avec le on-off. J'ai dit, ça fonctionne. Hey, là, Gaétan va... Il est à la console finale puis il dit, hey, on t'entend pas, là. Mais c'est bien pour le public. Moins on m'entend, mieux c'est. Ils vont pouvoir apprécier mon silence. Ils vont dire, hey, c'est un gars intelligent, il dit rien, je te le dis, là, il va gagner un prix à CKRL, le prix du meilleur animateur silencieux. C'est vrai, on devrait lancer ça à CKRL en 2012, là, à Blablabla, pendant la période des fêtes, c'est bientôt les fêtes, là. Dans quelques semaines, quelques mois, quelques années. Non, dans cinq semaines, quatre semaines, deux semaines, attends un petit peu, on est quel temps? Arrête-moi ça. Et on est quel jour? Quelle année? C'est moi, c'est qui? C'est moi, je m'appelle... ouais, monsieur, je m'appelle moi-même. Hey, des fois, là, je compose mon numéro de téléphone. Attendez, je vais vous raconter ça. J'appelle... Je prends mon cellulaire. Premièrement, je prends le cellulaire. Ça, c'est bon, ça. Parce que moi, je suis dans le milieu du cellulaire. Moi, là, hey, je suis rendu là dans mon étape d'existence. Il y a du monde qui ne sait même pas comment fonctionne un ordinateur, la carte de... les guichets automatiques. OK, 26 octobre. Nous sommes le 26 octobre. On le savait, arrête donc. Ben oui, mais c'est ça. Très actuel, moi. Je synchronise mon intelligence avec la technologie. Je suis numéroté. Non, comment t'appelles ça, les gens qui sont payés? Démunéré. Hey, c'est dégénéré. Je suis dégénéré dans l'argent. Moi, je dégénère. Oh, mon, plus j'ai de l'argent, plus je dégénère. Je suis pas rémunéré, moi, je suis dégénéré. Oh mon Dieu, je veux pas savoir combien de piastres j'ai. Je veux savoir combien de cellules il me reste. Combien il te reste? Alain, on va demander à Alain. Comment ça? Alain le sait. Alain qui est là-haut. Merde, j'ai pas mon magnéto. C'est triste, c'est dommage. Loulili, le Malilo. Oulili, il est pas là. Il est parti. Il ne le viendra plus jamais. L'oiseau l'a envolé. Il a fait là, il est parti avec l'oiseau. Et comme le ballon à l'hélium, oui. Ils l'ont attaché avec la corde. Au bout, il y avait le ballon. À qui? Ben, je sais pas, c'est à l'hélium. Où est-ce qu'il est, l'hélium? On demande l'hélium ici à Errance Rénaldienne. L'hélium est demandé à la chaise numéro 17. Parce que là, il y a 23 chaises. Parce qu'on attend beaucoup de personnages. Là. Il arrive, là, il y a 53 personnages, puis il n'y a pas assez de chaises. Il y en a qui s'empilent l'un sur l'autre. Surtout, hein, mâle, femelle. Ça, c'est comment ça fonctionne. Hein? L'embouteillage, l'un dans l'autre, ça va bien. Hein? On a fait 53 enfants depuis le début de l'émission. Là. Hein? Ben, depuis le début de l'existence de l'émission. Parce qu'avant ça, ça n'existait pas. Avant ça, c'était qu'une ébauche, qu'une sensation de réalisme. Ben, je savais pas comment c'est fini. Donc, ish, dans ma tête, là, c'est rapidement, là, je voyais les terminaisons, là. Ish, ish, mystère. C'est le grand mystère. Là, ici, maintenant, Bukowski. Ah, Bukowski, amour, inesimi. Ah, Bukowski, amour, inesimi. Ranime, si, amour, ami. Toi, mon ami, tu connais Bukowski. Parle, parle, parle de Charles Bukowski. Parle de Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bain. Hein? À 1h21, on va se coucher. On ferme les lumières, ferme la radio. Éteins la radio. J'entends la grenouille. Non, c'est le crapaud. Pour la liaison, hein? Non, pour la terminaison. Ouvrons-lui un petit coup là. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extraits de son recueil. Contes et nouvelles, bref, ce sont les traductions et en fondant et en donnant l'entremanque. C'était très bon. Moi, jamais je n'aurais été dans des nallées d'une Émilie. Je veux chanter ma vie à son sourire. Moi, jamais... C'est le succès. Alors, la première phrase avant de tomber. Je veux pas tomber, moi, je veux lever. Ben oui, on va lever dans l'imaginaire collectif. Ah, mon Dieu, ça fait peur, ça, là, parce qu'on se fait oublier aussi dans l'imaginaire collectif. Pas du tout. Rapidement, comme ça, là, avant d'aller à Bukowski, là. Crois-tu, mon petit champion, mets l'écho. Crois-tu que Elvis Presley se fait oublier, là, actuellement, dans l'imaginaire collectif? Non. Est-ce que Michael Jassy, avant de le nommer, parce que je vais m'évanouir. Est-ce que Mike, on est en communication avec Michael? On n'a pas le magnéto, on peut pas être communicant, on peut plus communiquer. Il faut s'en acheter un autre. Envoyez-nous quelque chose si vous avez une petite enregistreuse qui peut rapidement faire s'il vous plaît. C'est KRL, 405 3e Avenue. Placez ça au nom de Rénal Gagné, Errance Rénaldienne. Même si c'est usagé, enlevez les piles parce que ça peut couler. Surtout si vous n'avez pas le code postal, ça peut prendre 2 ans avant de nous arriver. Et puis, s'il y a des piles à l'intérieur, ça va m'arriver. Je peux pas. Je vais l'ouvrir, puis ça va me dégouliner, puis ça brûle. Quand ça coule. C'est pas un volcan, ça, là? Mais non, c'est une batterie. Quand ça coule, ben voyons donc, c'est dans ta tête. Ben oui, dans ma tête. J'ai perdu 3 bras là-dessus, moi, là. T'es pas un crabe, ça repousse pas. Non, oui, c'est comme mes cellules. Je me demande pourquoi ça repousse. Ça repousse pas, ça se remet en fonction. OK. Alors, la phrase, c'est putain de nuit. Willie avait dormi dans les camps à la sortie de Barkfield la nuit d'avant. Est-ce que c'est vraiment Barkfield? C'est Bakerfield. Alors on commence. Putain de nuit. Willie avait dormi dans les camps à la sortie de Barkfield la nuit d'avant. Attends-moi, petit gars. Tu vas tomber si je suis pas là, là, mais tu me dis la nuit d'avant. Est-ce que c'est maintenant? Ben non, c'est la nuit avant. Avant quoi? Ben avant l'événement. Quel... l'événement. Ben oui, il est arrivé quelque chose. Oui, le jour est arrivé. Oui, the day after. De qui? The day after. Qu'est-ce que tu dis là, toi? After, afti, afto, aftash. C'est quoi? C'est pas du francophone, ça? Non, c'est de l'anglophone. Ah, mon... Ah, ça pue, hein? Oui, c'est l'anglophone. C'est normal que ça pue. La nuit avant. Si on se souvient, on était dans un camp. Il y avait trois chapiteaux, trois tantes, deux oncles, deux cousines. Les cousines. Hey, on s'en souvient-tu de nos cousines? Hein? Oh, quel plaisir! On était dans la piscine. Le soir, il était 11h, 23h, 23h30. La piscine fermait à minuit. Là, on a dit au propriétaire, hey, c'est la fête à Jacqueline. Elle vient d'avoir 18 ans, puis il faut s'amuser, là. Hein? Là, il est mineur, là, mais à minuit, elle va être majeure, là. C'est important de vivre la minorité. La minorité? C'est pas une minorité risible, ça? Non, c'est vrai. Mais il faut souligner le moment où on est mineur jusqu'au moment où on devient majeur. C'est comme une seconde, à pouf! Au niveau du gouvernement, on est rendu légal. On peut voter. On peut se faire arrêter puis être condamné aux adultes. Hein? Il y a comme quoi, c'est quoi? C'est aux adultes. On est plus juvénile. On est traité comme un adulte. On paye comme des adultes. On est traité comme des adultes. Bref, on veut revenir dans l'enfance. Oh mon Dieu, c'est beau quand on est un enfant. On se promène, on court, puis on fait on ramasse des pissenlits. Pour qui? Pour nos mamans. On arrive le soir, on dit, mais maman, il y a des pissenlits. Ah, oh, la mère dans sa tête. Ah, oh, mon Dieu, c'est des... Oh, non. Il me ramène ça encore. Qu'est-ce que je vais faire avec? Là, elle place ça dans un pot. Là, elle fait semblant d'échapper le pot, puis ça casse. Ah, oh, non, je suis obligé de jeter des pissenlits. Oh, maman! Oh, mais excuse-moi, tes beaux petits pissenlits que t'as, hein? Ça ramène la bibitte, parce que dans la tête d'une maman, hein, les pissenlits, ça amène la bibitte. Ça amène la bibitte. Il n'y a pas de bibitte là-dedans, maman, c'est des pissenlits. Pissenlits, hein, c'est... Mais si c'est des roses, ah, mon Dieu, quand t'as un copain, hein, à 23 ans, t'amènes des roses. Ah, mon amour, tu m'aimes. Oh, je t'aime, tu m'aimes. Oui, je t'aime, tu m'aimes. Mais pourquoi ils sont noirs, ces roses-là? Il n'y en avait plus dans la boutique de fleurs. J'ai demandé à ma fleuriste préférée, mon ancienne amante, c'est celle que je l'ai rencontrée au collège. Arrête ça, toi! Tu vas voir tes anciennes amantes? Ben, c'est pas une amante, là. J'ai eu deux enfants avec elle. Tu m'as jamais dit ça, toi? Ben, je voulais pas te le dire. C'est un cadeau de Noël. Ben oui, un cadeau, hein? Toi, tu crois-tu que t'es un cadeau? Ben, je crois que oui, ma chérie. Ouais, mais tu sais ce qu'on fait avec les cadeaux? Oui. Ben, on les prend puis on les retourne au magasin. I'm gonna tell her Mary about Uncle John. She's got the music, but I have a lot of fun, baby. Sweet, you got everything. I'm gonna need a baby. Yeah, baby. Ooh, oh, baby. Have me some fun tonight. Well, I'm a star, Uncle John, a bald head Sally. Got a Mary coming and the upper in the alley. Oh, baby. Yeah, baby. Ooh, oh, baby. Have me some fun tonight. Ah! Non. Non, j'ai déjà travaillé sur l'écriture d'un long métrage, mais c'est un travail qui a été interrompu. C'était une coécriture et finalement ça, on n'est pas allé plus loin. C'était difficile dans le travail. Mais non, par contre, j'ai coécrit une pièce de théâtre chantée, une comédie chantée. Comédie musicale. Non, pas musicale parce que c'est pas dansé, mais c'est du théâtre chanté. Un peu comme les belles-sœurs. Ouais, voilà. Okay. Ah, ouais, c'est ça. Okay. Ouais, exactement. Et est-ce que c'est déjà terminé ou c'est... Oui, c'est terminé. Et puis ? Eh ben, là, en fait, ces derniers temps, on n'a pas eu le temps du tout de s'en occuper. Mais en... ben, nous, en fait, on est trois à l'avoir écrit. C'est des comédiens que j'ai rencontrés sur un autre spectacle. C'est un garçon et une fille. Et toi ? Paola Beaupuis, alors, Laurie André. Ouais. Ok. Ouais. Et voilà. On... Et avez-vous une formation musicale ou... Tous les trois on chante. Ah oui ? Tous les trois on chante et on aime chanter. Oui, on a tous eu une formation musicale. Moi j'ai fait du piano, j'ai fait du solfège. Laurie. Les qui te les écrivaient, c'est... Alors par contre non, on n'a absolument pas composé. C'est pas nous qui allons le faire. On va faire appel à un compositeur. Mais on a écrit les paroles des chansons. Okay. Voilà. Avec le rythme, avec le... Non, pas avec le rythme. Okay. Non, non. Juste les paroles. Juste les paroles, okay. Voilà. Et là, vous attendez quelqu'un qui va... Alors là, on n'attend pas, on va chercher. Okay, c'est déjà un projet... Là, ces derniers temps, c'était très rock'n'roll, chacun dans nos vies. On avait beaucoup de choses professionnellement qui arrivaient en même temps. Donc, voilà, là, dès septembre, on va le remettre en selle et on va organiser une lecture, certainement à la SACD, pour faire venir des professionnels, pour intéresser des producteurs et commencer à... Voilà, Est-ce que c'est une pièce rigolote, dramatique ? Ah oui, c'est une comédie. Okay. C'est drôle, c'est très drôle. Okay. C'est quoi ? C'est rythmé ? C'est quelque chose qui... Ah, c'est très rythmé, c'est très rythmé. C'est entrecoupé par des chansons. C'est très très drôle. On l'a fait lire à quelqu'un. Parce qu'on voit que tu pétilles. Ah bah ouais, j'y crois, bien sûr, ouais. Okay. Ouais. Écoute, j'ai 10 questions de la fin. Ouais. Et soit que tu réfléchisses ou que tu te laisses aller dans une élaboration. Alors, je te laisse aller. Si tu étais un liquide... Si j'étais un liquide, qu'est-ce que je serais ? Oui. La mer. La mer ? C'est la première fois que j'entends la mer. Ah ouais ? Oui. Ah ouais, la mer, carrément. Ouais. Bah parce que j'adore l'eau, et puis parce que ça bouge, c'est calme, mais en même temps c'est dangereux, c'est salé, c'est... Et surtout que ça amène l'été, et ça fait fantasmer, quand un poète doit penser aux vagues, à la mer. Ah, je sais pas, j'ai pas... Ferré, la chanson de Léo Ferré, La mémoire et la mer. Ouais, j'adore, ouais. Après, j'ai répondu spontanément, mais moi, j'adore la mer. Mais je suis pas preuve, donc je vais pas réaliser. Si tu étais une ville? Si j'étais une ville? Là, comme ça, tout de suite, j'ai pensé à Prague. Je sais pas pourquoi, mais j'aurais pensé deux secondes de plus, j'aurais peut-être pensé à une autre ville. Tu as visité Prague? Oui, j'ai déjà été à Prague, ouais. Et qu'est-ce qui t'intéresse, Oh, moi, j'ai adoré Prague. J'avais 18 ans, j'étais partie avec des amis, et puis après, on s'était séparés en Autriche, parce qu'on faisait un peu le tour d'Europe centrale. Et puis j'étais revenue toute seule à Prague et j'étais restée pendant 10 jours, j'avais campé dans le camping de Prague en périphérie. Oh, ok, c'est vraiment l'aventure. Et j'avais 18 ans, j'étais toute seule, c'était génial. Et j'adorais entendre les musiques, il y avait de la musique classique qui sortait de partout, j'adorais voir la couleur des immeubles. Alors cette côté un peu féerique. Ouais, ouais, ouais. À la Fellini. Ouais, ouais, j'ai adoré cette ville. Si tu étais une langue ? Une langue ? Ouais. Le russe. Ah, oh, pourquoi ? Je sais pas, parce que j'ai des origines russes. Ah oui? Oui, ma grand-mère était russe-polonaise. Est-ce que tes parents étaient comédiens? Non, pas du tout, mais mes parents étaient professeurs. Professeurs de? Ma mère, professeur de biologie, et mon père, professeur d'histoire. Et quand tu leur as dit, je vais être comédien? Ah ben ça a été un scandale familial, ils n'ont pas supporté, ma sœur non plus d'ailleurs. Ta sœur est... Ouais. Ma sœur, elle est ingénieure agronome, elle travaille à la Commission européenne. Et oui, ça leur a fait peur. Et puis tout d'un coup, cette prise de liberté, ça les a un peu paniqués. Et encore aujourd'hui ? Non, maintenant, ils ont accepté. Ils sont contents. Je crois qu'ils sont fiers même. Ok, vous êtes encore fusionnels. Ça ne s'est pas mis à exploser dans votre famille. Si, ça a explosé. Si, ça a explosé. Voilà, ça les a rassurés. Et puis après, de voir que j'arrivais à en vivre, ça les a calmés. Vous êtes à te voir à la télévision, dans les pubs. Oui, voilà, voilà. Ça fait, voilà, ma mère est fière. Si tu étais une époque. Une époque ? Oh ! Je sais pas, j'ai envie de dire les années 40. Et pourtant, ça a été une époque terrible. Mais je sais pas pourquoi je dis. C'est... Parce que ça fait tiller, ça passe. Ben non, c'est une époque terrible. En même temps, je j'aimerais pas du tout être dans les années 40. Mais je sais pas, j'ai pensé aux années 40 parce qu'en même temps, c'est une époque où il fallait se positionner, où c'était difficile. L'engagement, je trouve que de nos jours, les gens se planquent et ne sont pas forcément dans l'engagement. Et des fois, je me dis, ces gens-là, comment ils feraient en temps de guerre ? Et donc, voilà. Et c'est vrai que les années 40, bah, voilà, en temps de guerre... C'est la crise, peut-être. C'est pour ça que les gens sont plus tranquilles, sont plus... Ils ont peur, ouais, ils sont craintifs, ouais. Thank you. and suck your stomach to your spine. It's alright, it's alright, it's alright. You look fine. Horse whip you for me. Which is the love runs down your thighs. Throw your arms around my neck and throw the rest against my chest. You woke up with your hands down someone else's stretch pants. Hold your breath till you black out while she's taste out of your mouth. Surprise, you could stomach it. Pas douceur, j'ai pensé à douceur là, mais je réfléchis pas, hein, ça aurait pu être autre chose. Hein. Douceur, ouais, je sais pas, la douceur du vent. Ah oui, oui. C'était autrement, il paraît. Hier, c'était humide. Ah oui, hier, c'était humide, ouais. Ça change tout le temps en ce moment. Oui, oui, oui, oui, c'est assez humide aussi. Si tu étais un aliment. Un aliment ? Alors là, je réfléchis, j'arrive pas. Du chocolat. Ah, ok. Aux noisettes. Aux noisettes. Aux noisettes, mais Nutella. Ouais, Nutella, ouais, j'aime bien. Ouais, ouais. Si tu, en plus, c'est mondial. Si tu étais une saison. Une saison l'été. Bah oui. Ah ouais, moi j'aime, bah, la, j'aime la chaleur, j'aime le soleil, j'aime l'odeur des sapins. Quoi. Et t'es pas une fille allergique, donc. Non. Profite ça, ça change. Ouais. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel. Qu'est-ce que je serais je serais des fesses. Oui, oh, c'est aujourd'hui, ouais, carrément. C'est incroyable. les gars, les phallus, les filles, les fesses. Si tu étais un moment de la journée L'après-midi. Ok, pourquoi? Je sais pas, l'après-midi. Je dis l'après-midi parce qu'en ce moment, je me lève très tôt et je fais des insomnies la nuit. Donc l'après-midi, on va dire que c'est plus calme. Mais est-ce que c'est le stress qui te fait faire ça? Ouais, parce que j'ai beaucoup de choses à penser en ce moment, beaucoup de choses à organiser, beaucoup de responsabilités. Donc ouais, je crois que c'est ça qui me fait faire des insomnies. On va revenir à l'autre. Pourquoi les fesses? Les fesses, parce qu'il y a du mouvement dans les fesses. C'est rebondi, c'est sympathique, c'est souriant, les fesses. Voilà. Si tu étais un autre individu. Un autre individu? J'en sais rien. Alors là, franchement, j'en sais rien. Ok. Ouais. Si j'ai la possibilité d'être quelqu'un d'autre, autant que ce soit pas moi, hein, sinon c'est chiant. Ah oui, mais alors qui, je sais pas. Ok, ça reste encore. J'aimerais bien être Michel Tremblay, tiens. Ah oui, okay. Ouais, j'aimerais bien avoir sa plume, savoir écrire comme ça. Mais tu voudrais vraiment pas ressembler au personnage de Carmen? Je ressemble un peu au personnage de Carmen. Ok, ah oui, t'es... Je ressemble un peu, ouais. Je suis une petite Carmen en puissance aussi, déjà dans la vie. Extravagante, une fille qui a de la pose. Ouais, qui a imposé son choix. À ses parents. Ouais. La dernière question, 2012, c'est à choisir. Est-ce que tu fais le même chemin? Ouais, je ferai le même chemin. Avec je regrette rien. Ouais, même si c'est difficile, je regrette absolument rien. Et une chose incroyable, c'est qu'il y a beaucoup d'actrices, hein, beaucoup d'acteurs. C'est incroyable, cette fusion. Sur Facebook, les gens s'improvisent ou ont une formation, mais ils se disent acteurs et actrices. Il y en a beaucoup qui rament. Oui. Oui. Alors, il y a de tout. Hein. C'est un métier très difficile, donc il y a des gens... Moi, je connais plein de gens talentueux, des comédiens talentueux qui ne travaillent pas. Mais je connais aussi des comédiens qui n'ont pas la faim au ventre, la faim artistique. Et donc, qui se disent comédiens, mais bon, je pense qui feront... C'est un métier qui demande tellement de sacrifices qu'on ne peut pas le faire en dilettante. Et qui font ça juste pour le nom aussi, je suis comédienne. Peut-être, ouais. Bon, ça ne dure jamais longtemps. Mais peut-être qu'on passe des fois par des phases où on a besoin de se dire des choses comme ça. Mais pour faire ce métier, il faut avoir envie, il faut avoir faim de belles choses. Hein. Sinon, il faut faire autre chose. Hein. C'est trop difficile. C'est vrai. Et je devais commencer par cette question-là. Mais comme vous étiez deux, Sophie Parel, ça vient de... Ah, j'en sais rien. Parel, mon père était de Corrèze. Okay. Il se trouve que je crois que même qu'en Corrèze, il y avait un village qui s'appelait Parel, mais ça venait de l'invasion des Anglais. Ok. Ah, les Anglais sont partout. Hein. Ils ont fait la même chose au Québec. Donc j'ai peut-être des origines anglaises de par mon père et russe, polonaise de par ma grand-mère maternelle. Anglais français ou uniquement français? Moi, je suis assez nulle en anglais. Ah, bravo, mon sympa. Et puis donc, j'ai fait de l'allemand. Je parlais très bien en allemand. Là, j'ai un peu perdu. Ouais, voilà. Thank you. quand je monte sur la scène le soir, que je me place devant mon micro, et que la musique commence, et je me dis que s'il serait pas mort, et ben, je serais probablement pas là. Puis quand je commence ma première chanson de cow-boy, je suis tellement heureuse qu'il soit mort. Puis je suis tellement heureuse de m'être débarrassée de tout ce qui s'est passé dans ce maudit présent-là. Les hommes dans la salle, ils me regardent. Puis même, c'est jamais les mêmes, hein, ils changent à chaque soir. Mais chaque soir, je les aime pas tant. Je pense que je suis une bonne chanteuse. Va-t'en ! Puis, je suis heureuse. Va-t'en ! I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. And he wore black and I wore white. And he would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Yeah. Seasons came and changed the time. And I grew up, I called him mine. And he would always laugh and say, remember when we used to play. Bang, bang, shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Yeah. Music played and people sang. Just for me the church bells rang. Hey, hey, hey, hey. Well, now he's gone, I don't know why. Until this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye. And he didn't take the time to lie. Bang, bang, shot me down. Bang, bang, hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. En vivre, il y en a avec tous les massifs, bon bel torse. Pour nous, ça se passe et on plane. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, step up, bad boy. Oui, à 10 000 pieds d'altitude. C'est bien, mais sur Size Airlines. Ça plane. Ça plane pour nous. Écoute ça. Wam bam, mon chasse pas le chill sur mon lit. A bouffé sa langue en buvant dans mon whisky. Quant à moi, un peu d'envie. J'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Poupée de solo, solo, cellophane. Cheveux, cheveux, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi. La nana, quelle panard, quelle vibration de s'envoyer sur le paillasson. Limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan. Qu'elle me dit en passant. Normal. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ooh, ooh, ooh. puis ma grand-mère russe, polonaise, qui m'a élevée, m'a... Voilà, elle ne m'a pas appris de russe, mais elle m'engueulait en russe et elle me disait des mots d'amour en russe. Donc, oh, c'est bon. Je sais au moins dire ça. C'est la tyrannie des deux, l'amour et la guerre. Voilà. C'est un peu la vie. Hein. L'amour, ouais. La guerre et voilà la vie. Ouais. Ben, merci et j'ai adoré merci. Ta pièce de Michel Tremblay. J'espère que ça se poursuivra encore. Ah, ben, j'espère, là. J'espère. Et, écoute, c'est bien parti. Eh bien oui, oui, oui, là c'est bien parti. La centième, non, avant Avignon, parce qu'en fait lundi on prend l'avion, on va à Pau, dans le sud de la France. On va jouer deux. Bah, parce qu'on a été acheté par un festival qui nous a demandé de venir. C'est un petit festival de théâtre. Voilà, qui a eu un coup de cœur pour la pièce et qui nous a demandé de venir. Et donc on va faire la centième là-bas. Mais combien de soirs à Pau ? Deux soirs. Okay. Voilà. Et après ça, c'est. Et après ça, on va directement à Avignon et on joue 22 dates pour le festival d'Avignon. Si cet été, c'est un été difficile. Ah, ça va être bien. Hein. Ça va suivre. Ouais. Ça va suivre. Allez, ouais. Non, ça va faire du bien. Oui. Ce qu'il y a, c'est qu'à Avignon, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence, mais on a bon espoir pour ce spectacle. Surtout que les critiques vont être extraordinaires. Voilà. Donc, ils vont aller voir ce qui se passe à Paris. Je pourquoi pense. Pourquoi les gens ici étaient enflammés. Donc, ouais. Peut-être la curiosité à Avignon. Oui, oui, je pense que ça peut vraiment marcher à Avignon. Donc, j'espère que les programmateurs seront au rendez-vous. Ils vont venir. Ben, ils sont là, hein, parce qu'ils savent que ça se passe à Avignon. Donc, pour l'année 2013-2014, on ne sait pas. Peut-être que Michel Tremblay va vivre. Et puis, faire une tournée au Québec, on aimerait bien. Ben oui, il y a le festival aussi à Québec. Et... Pourquoi pas? Peut-être l'émission va le permettre. On verra, on verra, on ouais. On a 800 000 auditeurs, donc... Non, c'est pas 800, c'est 80. J'ai mis un petit peu trop. Mais c'est quand même une radio qui est diffusée à Québec, mais sur Internet. Donc, à Québec, c'est 80. Mais en dehors de tout ça, on ne sait pas. Parce que c'est certain que les Québécois qui s'ennuient de la ville vont écouter CKRL. Donc, en Australie, à Paris, en Belgique, c'est un peu comme... toi, si tu venais à Québec, tu serais peut-être branché sur France Inter, je ne sais pas. Là, c'est d'accord, ah ouais. Mais il y a de la nostalgie qui embarque un peu, puis on veut réécouter notre accent, donc il faut savoir. Ah, moi, j'adore l'accent québécois, qu'est-ce que c'est beau. Ah oui, mais Michel Tremblay en témoigne aussi. Ah hein, ouais. Parce que vous l'avez à Malcavé, et vous ne l'avez pas joué trop québécois, c'est ça qui m'a plu. Oui. J'ai eu peur au début. On ne voulait pas faire l'accent, ça aurait été ridicule de vouloir mimer l'accent. Donc, à quelque chose, hein. Oui, oui, oui. Puis voilà, on est français. Ouais. Mais par contre, il y a un rythme de la langue qui fait que les Français, des fois, se posent la question si on n'est pas québécois. Ah, mais ça, c'est bien. C'est ça qui est drôle. Est-ce que j'ai le droit de passer un extrait de la pièce? Bien sûr. Ok, parce que j'en ai acheté quelques bruits. Ah oui? Ah bah oui, oui, bien sûr. Ah oui, y a pas de problème? Oui, oui. Ok, je te demande, donc, parfait. Alors, je ne suis pas la seule détentrice de l'autorisation, mais honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de souci. Oui, je suis sûre que le metteur en scène, Christian Bordelot, sera d'accord. Ouais. Ben, merci. Ouais. Et puis, ben, écoute, on va se revoir à Québec. Eh ben, avec plaisir. Avec plaisir. On reste en contact de toute façon. Ben oui, sur une occasion de théâtre. Après, carrément. Mais je t'inviterai à venir voir le Tchekhov que j'ai monté. Ben oui. Ça va jouer en 2013? Ben non, dès la rentrée de septembre. Ah oui, mais moi, je l'ai juste au mois de juillet. Ah. Mais c'est pas grave, il y a d'autres choses qui vont se préparer. Et nous, on joue le Tchekhov de septembre à mi-janvier. Ah. Non? Ah, dommage. Non, moi, c'est fin juin jusqu'au 8 juillet. Ah oui, d'accord. Moi, c'est assez cloisonné. Bon, bah pour une autre pièce, alors. Ben oui, on sait pas. Ouais, ouais, ouais, je te tiendrai au courant. Il y a encore Michel Tremblay. Ouais, hein? Ouais. Ben, merci. Merci beaucoup. À l'arvoyeur. Merci à l'arvoyeur. Wo sind deine Kinder? Ich bin zu dir zurückgekehrt, nur kurz, noch nicht für immer. 1983, zeig mir deine Finger und frag nach deinem Abdruck. 1983, wo sind deine Stimmen? Wo sind deine Ausnahmen, deine Mongoloiden? Wo sind deine Dichter, deine Zweifel, deine Maden? Was hat es gekostet, immer besser zu leben? Bitte sing mir ein Volkslied, bitte sing mir ein Volkslied, bitte sing mir ein Volkslied, auch wenn es das nicht mehr gibt. Oh! meine Augen sind aus Glas und ich sehe immer schärfer. Aus meinem Mund strömt Gas und ich werde immer wärmer. Ich kratze meine Decke nach dem Wetter, ich will frieren. Ich leg mich in den Keller zu den ausgestorbenen Tieren. Ich leg mich in den Kühlschrank, dort liegt noch etwas Eis. Dann ruf ich deinen Namen, das ist mein kleines bisschen Wahrheit. Wenn dann der Regen doch kommt und all dein Erfolg war umsonst und all dein Zeug fließt davon, ja dann hör gut hin, ja dann hör gut hin. Dann singe ich dir ein Volkslied, dann singe ich dir ein Volkslied, dann singe ich dir ein Volkslied, weil das alles ist, was ich habe. Vous pouvez écrire à votre animateur, Reynald Gagné, via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Gagné ou Errance Reynaldienne. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.